La Vierge de Sattara, par Jules Marie. Sattara est une petite ville de l'Hindoustan située au centre de la chaîne des Ghôts entre Pune et Vizapur. Elle est entourée de tous les côtés par de hautes montagnes et défendue par des murailles et des tours taillées dans les escarpements des rochers. Du haut de ces montagnes, qui s'élèvent à perte de vue, on distingue la ville dans ses plus petits détails, les champs environnants, les routes bordées de mangotiers, la banlieue riche et plantureuse, tout cela éclairé par le jaune soleil de l'Inde. Au loin, on aperçoit le clair filet de la Krishna, qui se déroule doucement en sortant des Ghôts et qui s'en va, grossissant peu à peu, porter ses eaux dans le golfe du Bengale, près de la pointe d'Ivy, à une journée de marche de l'opulente Masulipatam. Les gros villages de Niomet, Tumpada et Maoli étaient dans la plaine, dispersés çà et là, et disparaissant derrière les touffes vertes des sapotiers, leurs petites maisons blanches aux fenêtres étroites et profondes. Quand le temps est clair, et qu'il n'y a point de brume en bas des montagnes, on distingue au loin les vagues bleues de la mer des Indes, et plus loin encore, à droite cette fois, les flèches sombres et se détachant à pic du fort Victoria. Le lieutenant George Ellems habitait Sattara depuis 8 jours, son 3 mâts. Le Nord Nelson était amarré à Bombay, perdu au milieu d'une centaine de navires européens qui encombraient le Havre en face de la citadelle aux bastions saillants garnis de batteries rasantes. Il avait obtenu de son capitaine la permission de parcourir la province de Konkan et de pousser jusqu'à Vizapur. L'ancien Yellow et le docteur John Cutley, ses amis, avaient voulu l'accompagner dans son excursion autant par curiosité que pour ne pas le laisser seul, au milieu d'un pays qu'il traversait pour la première fois et d'habitants hostiles dont il ignorait la langue et les usages. Il est vrai que George Ellems, dont le caractère fantastique ne s'accommodait qu'à demi de cette amicale surveillance, s'y dérobait assez souvent pour aller faire à pied de longues excursions dans les vallées des Ghôts, sur les bords de la Krishna, et même jusqu'au village de Tumdapa, situé à une bonne demi-journée de marche de la Maison Blanche où il logeait à Sattara. C'est même à ce sujet qu'il s'était attiré une vigoureuse semonce du bon docteur John Cutley, un jour qu'il était sorti de Sattara par la Porte Bleue et qu'il avait passé la nuit dehors, au risque de se faire dépouiller par une bande de Bilouchis débarqués à Surat ou de se faire enlever par les tigres des jungles. John Cutley n'en dormit pas durant 3 jours et fut une semaine toute entière à pouvoir rejeter un reste de mauvaise humeur récalcitrante. Il paraît même, si j'en crois l'enseigne alors, de qui je tiens tous ces détails, qu'il fit jurer à George, sur le gouvernail du 3 mâts, le Lord Nelson, qu'il ne se hasarderait plus la nuit hors des murailles de la ville hindoue. George promit tout ce que voulut son vieil ami. Il lui jura sur le gouvernail du 3 mâts que jamais plus il ne sortirait la nuit et tint parole jusqu'au lendemain à 3 heures après-midi, moment pendant lequel il savait que John dormait à l'ombre d'un people quelconque. En rêvant au petit Cutley qu'il attendait de Regent Street et Dame Emma, sa fidèle épouse. Ellor était absent, je ne sais plus pour quelle cause, de telle sorte que George, momentanément débarrassé des sages conseils de ses 2 mentors, résolut d'en profiter et de pousser ce jour-là jusqu'à Maoli, qu'il ne connaissait pas et dont le second du navire, un vieux marin, lui avait vanté le délicieux aspect et la position pittoresque. Il appela les 2 marates qui lui servaient de domestiques et sauta dans son jump-on vert malgré une chaleur intense et quasi mortelle. Les 2 marates buvaient du vin de palmier dans une hutte voisine en jouant aux échecs. Ils commencèrent par faire la sourde oreille, mais comme le lieutenant s'impatientait, ils se résignèrent à la fin à charger sur leurs épaules les brancards du palanquin. Les rues de Sattara étaient désertes, complètement désertes. Les habitants reposaient entre les courants d'air habilement ménagés dans leurs appartements ou étaient paresseusement étendus à l'ombre sous l'épais feuillage des arbres sacrés. Maître, fit l'un des marates en souriant d'un air faux. Le hot wind pourrait bien souffler tout à l'heure dans la plaine. Il ne fait pas bon voyager avec le hot wind dans les yeux, maître. George Ellems s'était trop habitué aux récriminations et à la paresse de ses 2 domestiques pour prêter attention à ce qu'il disait. Maître, fit l'autre, qui ne voulait pas rester en arrière de finesse sur son camarade, la course est longue d'ici à Maoli. Nous n'avons qu'une portion de curry et un peu de pain frais. Arrêtons-nous dans les promenades du grand faubourg de Maïna. Il y a là des litchis, des peppels, des mangotiers de toute espèce. L'ombre est fraîche et la boisson du palmier aussi. Le maître pourra prendre un émion et se promener à son aise. Il aura fait grand bien à ses fidèles serviteurs. » Et comme Georges ne répondait pas, les deux marades prirent leur mal en patience et continuèrent leur marche lente et régulière en maugréant tout bas contre les caprices de l'Européen. Ils sortirent de la ville et prirent la route bordée de hauts arbres qui mène droit à Maoli. La chaleur était étouffante et les deux pauvres diables suaient et soufflaient sous leur charge. Il n'y avait pas un souffle dans cette fournaise. L'atmosphère était lourde, surchargée d'odeurs malsaines venues des marais de l'intérieur et qu'aucune brise ne chassait. Pas une feuille ne bougeait aux arbres, pas un oiseau ne chantait sur le palmier ou le bananier. Les insectes attendaient la fraîcheur et se taisaient dans les herbes jaunes éternies. Là-bas, la chaîne des Gautes se détachait dans cette nature pesante et apparaissait comme une masse énorme, sur laquelle se plaquaient et se réfléchissaient les rayons d'un soleil torride. Tout était mort, il n'y avait pas un piéton sur la route, pas un piéton ni une chaise à porteur. Georges supportait stoïquement ce nouveau supplice du feu, c'est lui qui l'avait voulu. Pourtant, serré dans les habits étriqués des septentrionaux, il commençait à trouver que ses serviteurs auraient bien pu avoir raison. Il sentait ses membres s'engourdir et sa tête tombait, au gré du balancement de la chaise, sur l'une ou sur l'autre épaule. Ses yeux se fermaient, ne pouvant plus supporter la clarté trop vive du soleil, réfléchi par la blancheur du chemin, et tout doucement, une à une, ses idées s'envolaient dans le pays des songes. Tout à coup, on entendit un peu de bruit dans ce silence. Les deux marâtres relevèrent la tête et secouèrent brusquement, pour mieux voir, la sueur qui tombait en grosses gouttes de leur front sur leurs yeux et leurs visages. À quelques pas devant eux, venait un jumpan jaune, porté par deux hindous de la province de l'Aurangabad, reconnaissables à leur pagne et à leur burnous. Les marâtres s'arrêtèrent brusquement et se rangèrent sur le bord du chemin quand le jumpan fut à 10 mètres d'eux. Ce mouvement réveilla Georges de sa léthargie. Il secoua énergiquement la torpeur qui l'envahissait et jeta les yeux de côté et d'autre pour chercher la cause de cet arrêt subi. « Marchez !» dit-il au marade. « C'est Sarah la Vierge » firent-ils en indiquant la chaise et les hindous de l'Aurangabad. Il leva la tête, aperçut la litière et ne songea point à demander une autre explication moins ambiguë. La chaise était à quelques pas. Celle que les deux marades appelaient Sarah la Vierge fit arrêter ses porteurs quand elle passa près du lieutenant, le salua à la manière hindoue et prononça quelques paroles auxquelles Georges ne comprit rien. Il ne connaissait pas le premier mot de la langue. Sarah était une fille superbe, dont la réputation de beauté courait depuis Hyderabad jusqu'à la province de Madras, depuis les bords de l'Indus, le fleuve sacré, jusqu'au méandre de la Krishna. Bien qu'elle fût assise au moment où Georges la vit, elle paraissait grande et mince. Sa taille était étroitement serrée sous les plis d'un cachemire vert et rose qui serrait à nu ses épaules et deux bras admirablement modelés, terminés par des mains un peu maigres. Une robe flottante lui partait de la taille et tombait en bouffant sur ses pieds enchâssés dans des babouches rouges tressées par les indigènes de Marwar. Son visage était ovale, un peu long, avec des joues plates. Son teint, d'un brun chaud, la faisait ressembler à une magnifique statue en bronze, dorée par les rayons du soleil levant. Elle avait le nez droit et fin, les lèvres d'un rouge grenat extrêmement vif, un peu épaissi et toujours entr'ouvertes, probablement pour laisser apercevoir à l'intérieur une rangée brillante de perles fines. Ses cheveux épais avaient cette couleur noire et bleue particulière aux filles de ce pays. Ses yeux étaient bleus, et cela formait avec l'ensemble de la physionomie un contraste étrange. Les cils étaient noirs et si longs, qu'il jetait de l'ombre sur le cercle des yeux et le bistrait légèrement. Un foulard de soie cuite, bleu et rouge, s'enroulait autour de son front qu'il serrait étroitement, mais ne réussissait pas à emprisonner les torsades de la chevelure, dispersée sur les épaules indolentes de la belle fille. Les deux coins du foulard, très longs et serrés au nœud par un gros diamant, tombaient négligemment et suivaient chaque mouvement de l'Indienne. Ses grands yeux naïfs regardaient Georges avec étonnement. Le lieutenant était beau, de cette angélique beauté particulière aux Anglais. Il crut, sans aucune fatuité, avoir fait impression sur Sarah, et de son côté, il s'émut véritablement à l'aspect de cette magnifique créature qui était là, devant lui, comme une fantastique apparition, sous les rayons ardents du soleil de l'Inde. Ils se regardèrent ainsi 7 ou 8 secondes, puis Sarah, n'obtenant pas de réponse, lui sourit doucement et fit signe à ses serviteurs de continuer leur chemin. Suivez-la, dit Georges à ses deux marades silencieux. Nous, suivre la Vierge ? Exclamèrent-ils. Jamais. C'est bon, restez. Georges sauta de son fauteuil sur la terre brûlante et, s'armant d'énergie, se mit à suivre seul à pied la litière indienne. Les deux hindous de l'Aurangabad marchèrent encore quelques minutes en droite ligne sur le chemin qui allait de Mahouli à Satara, puis tournèrent à gauche subitement et s'enfoncèrent dans un sentier qui conduisait à l'habitation de leur maîtresse. Ils passèrent devant le faubourg de Maïna et arrivèrent, après une heure de marche fatigante sous un soleil de plomb, au faubourg de Vespoé, en dehors des remparts, à 1 kilomètre de la porte sud, par où entrèrent les troupes mogholes du roi Aurangzeb le Puissant, l'an 1111 de l'Égir. La maisonnette était au bas d'un monticule boisé. Elle n'avait qu'un étage, comme la plupart des maisons de l'Hindoustan construites par les indigènes pour leur service personnel. Entourée de litchis, arbres aux fruits savoureux, elle apparaissait derrière ses touffes de verdure comme un réduit mystérieux et poétique qui attirait et charmait les yeux du passant. Georges arriva près de l'habitation en même temps que les deux porteurs, fort inquiets de voir un étranger, un Anglais, les suivre avec tant d'insistance. Sarah la Vierge descendit gravement de son jumpan. Sa démarche ondulante accusait une exquise pureté de forme, que la longueur d'une robe aux couleurs voyantes laissait difficilement deviner. Georges l'attendait sur son chemin. Elle ne fit point de geste de surprise et ne parut pas étonnée. Et pourtant, elle ne l'avait point vu la suivre. Elle n'avait pas tourné la tête une seule fois. Georges fit signe aux deux hindous de s'éloigner. Ils répondirent par un grondement menaçant. Mais Sarah leur dit quelques mots qui les calmèrent, et à la suite desquels ils disparurent dans les allées de litchi où s'élevait la maison. Elle aime s'enhardit un peu. Aussi bien l'aventure le piquait, et elle voulait la poursuivre jusqu'au dénouement. Sarah le regardait et souriait doucement, en attendant de lui une parole. « Sarah, » dit Georges, tout ému et s'enhardissant, « ma chère Sarah !» Elle parut comprendre, car elle frémit et ferma un instant les paupières. Puis elle se mit à lui parler, lentement d'abord, comme à regret, puis plus vite. Il avait pris la main, qu'elle n'avait pas retirée, et il écoutait avec une volupté indéfinissable ce langage limpide, scandé comme celui des poètes et velouté comme la pelouse des prairies qui se déroule au pied des Ghôtes. Elle s'appuyait sur lui de temps à autre avec un abandon dont elle ne comprenait pas les périls. Sa voix était harmonieuse et claire. À certains moments, quand elle se taisait, elle lui montrait la ville de Satara, puis au loin le village de Mahouli, et puis encore l'Orient et le ciel. Alors elle prenait nerveusement la main de Georges, dans la chair duquel couraient des frissonnements inconnus. Au lieu de regarder au loin, Georges admirait le bras doré de la Vierge et le doigt qui lui montrait l'horizon. Puis, il reportait son regard sur le visage de la jeune fille et souriait sans comprendre. Elle ne baissait pas son regard sous celui du jeune homme. Elle semblait au contraire trouver une inexprimable joie à noyer les effluves bleus de ses yeux dans l'œil brillant de l'Européen. Ils firent ensemble quelques pas sous l'ombre des arbres, elle parlant toujours, ou plutôt murmurant doucement quelques phrases, et lui tout triste de ne pouvoir la comprendre. Le soleil avait perdu de sa chaleur. Une brise descendue des montagnes des Ghôtes rafraîchissait l'air et passait en frémissant sur le haut des arbres. Quelques oiseaux recommençaient à chanter dans les buissons et les fleurs relevaient la tête. Georges s'assit sur le tronc d'un tamarin et entraîna Sarah près de lui. Derrière eux, il y avait une longue avenue d'orangers et de citronniers en fleurs. Plus près, un treillis de vignes ombragé par des arbres d'arec touchait presque au buisson de cyprès noir sur le côté duquel s'adossait le tamarin renversé. Quelque chose d'invisible remua dans le buisson, et il y eut comme un reflet pâle qui s'agita un moment sur l'obscurité des cyprès. Les rayons du soleil avaient peine à percer à travers les branches d'un vieux mogouz qui s'élevait en face d'eux et laissait dans l'ombre cette partie de l'allée. On n'entendait dans la nature que ces 1000 petits bruits du silence qui forment un seul et même bruit indéfinissable et charmant. Le craquement d'une branche morte qui tombe, le cri de l'oiseau qui se balance sur les fleurs rouges du palace ou du dac, le bruissement de l'insecte qui file dans l'herbe, le vent qui lèche les feuilles, le clapotement des eaux qui roulent des petits cailloux. Georges eut un éblouissement. Il se pencha vers la brune fille en l'attirant à lui avec passion. « Viens avec moi, » lui dit-il comme si elle eût pu le comprendre. « Viens avec moi là-bas, de l'autre côté des mers, tu seras heureuse et fière. » Elle souriait en le regardant. Elle avait cueilli une fleur de citronnier qui pendait au-dessus de sa tête, et après lui avoir fait toucher deux fois ses lèvres, Elle la plaça dans les cheveux du jeune homme, qu'elle caressa voluptueusement. Puis sa main retomba sur les épaules de Georges qui frissonna comme si une lame froide lui traversait les flancs. Il ferma les yeux, pencha la tête et laissa errer ses lèvres sur le bras rond et ferme qui lui touchait la joue. « Sarah, » dit-il tout bas en tremblant, « oh que tu es belle !» Il fit pencher à lui la tête de la belle fille et il allait y mettre un bien long baiser quand une main froide et morte se posa sur sa bouche. Kéo, le brahman, était là, lugubre. Georges frémit à ce contact. Il leva les yeux et aperçut Kéo, le grand brahman. Kéo avait conservé l'habillement antique prescrit par Vishnu, le long manteau blanc. Il avait la barbe et les cheveux coupés ras, et son manteau était serré à la taille par la dopata, qu'on ne doit mettre que dans les occasions solennelles. Ses yeux gris brillaient sur son visage maigre, et ses lèvres ridées et glauques marmottaient des paroles menaçantes. Le lieutenant était brave. Il entoura de son bras gauche la taille de Sarah, mince comme la tige d'un jeune bambou, et reculant de quelques pas, il tira son épée. La fille de Satara eut alors un cri effarouché qui fit envoler quelques Bengalis endormis dans un cactus. Ses nerfs, ses muscles se tendirent comme une baguette d'acier. Elle saisit le bras de l'anglais et lui arracha son épée comme elle eût fait à un enfant. Alors, elle revint douce et souriante après cet acte incompréhensible. Elle jeta ses deux bras autour du cou de Georges avec un abandon gracieux, et détachant la fleur de citronnier qu'elle avait placée dans les cheveux du jeune homme, elle la mit sur son sein, entre la peau brune de son épaule et le rose de son écharpe. Puis elle le quitta, pour rejoindre le brahman, dont la silhouette se détachait immobile à quelques pas devant eux. Georges resta longtemps à errer autour de la barrière de bambou qui défendait l'entrée de l'habitation. Mille pensées extravagantes lui traversèrent la tête. Tantôt il voulait escalader l'enclos pour essayer de revoir l'Indienne, tantôt il s'élançait sur le chemin de Satara et faisait précipitamment quelques pas dans la direction de la ville, comme pour aller avertir le docteur, le ramener avec lui, le conduire à Sarah, et lui faire traduire ce que la jeune fille dirait dans son harmonieuse langue. Puis, après avoir couru, il sentait sa tête se briser, ses idées s'obscurcir et une crainte lui serrait le cœur. S'il ne la retrouvait pas, alors il s'arrêtait subitement et retournait sur ses pas. Il ne lui vint pas une seule fois à l'idée qu'il pouvait rencontrer de grands périls en s'exposant seul, ainsi qu'il le faisait, à la fureur fanatique du brahman, sous la protection duquel semblait être placée la jeune fille. Il se laissait conduire par son imagination surexcitée dans des rêves étranges qui doublaient l'exaltation de son esprit en le rendant capable des tentatives les plus folles. Quand vint le soir, il vit défiler sur la route les paysans qui revenaient de labourer les campagnes aux alentours de Satara et qui retournaient à Maoli montés sur de petits chevaux très forts et très vifs et accompagnés de leurs fils ou de leurs serviteurs. Il en vit passer d'autres venant de Satara et se dirigeant vers le fleuve pour y faire leurs ablutions avant de rentrer à Maoli. Ceux qui habitaient la ville et qui ne travaillaient pas vinrent se promener, leurs ablutions faites, dans la campagne pour y respirer l'air frais de la nuit, en mâchant des feuilles de bétel et la noix d'arec mélangée de choux. De grands chariots de riz et de froment passaient de temps à autre sur la route, conduits par des hindous que leurs longues pièces de cotonnade blanche faisaient ressembler de loin à des fantômes glissant gravement dans la nuit tombante. Parfois, un ou deux brahmanes traversaient le chemin, sombre et taciturne, et s'arrêtaient devant l'habitation de Sarah. Ils faisaient alors quelques signes mystérieux, se courbaient trois fois du côté où venait de disparaître le soleil, et murmuraient à voix basse une invocation à Brahma. Puis ils reprenaient leur marche pendant que les hommes des autres castes les saluaient avec humilité. Des femmes vinrent aussi jusque-là. Elles étaient vêtues, comme les hommes, de deux pièces de coton blanc, dont l'une serrait étroitement leurs reins, passait entre les jambes et allait retomber au-dessous du genou, et d'une tunique de coton retenue à la taille par une ceinture de couleur. Elles frôlèrent Georges, qui les regardait machinalement, appuyé contre le tronc d'un magnolia. Elles s'arrêtèrent devant lui, le considérant avec curiosité sans qu'il s'en inquiétât, et passèrent en se dirigeant vers l'habitation. Là, elles se mirent à chanter sur un rythme plaintif, quelques strophes douces et modulées lentement, où le nom de Sarah était répété à plusieurs reprises. Georges remarqua cette particularité et s'approcha des chanteuses qu'il écouta curieusement. Au moment où elle commençait la dernière strophe, Kéo parut derrière la clôture. Il les laissa finir et vint ensuite à elle. Il leur dit quelques mots, qu'ils écoutèrent, la tête penchée, puis il reprit silencieusement le chemin de Satara. Théo, le grand brahmane, aperçut alors Georges. Il eut un geste menaçant, pendant que ses yeux gris brillaient et que son front se plissait de deux rides. Les deux hommes se regardèrent pour la seconde fois. « Étranger, » dit Théo d'une voix sourde, « mieux vaudrait pour toi n'avoir point quitté le tillac de ton navire que de vouloir tenter ce que tu tentes. Prends garde et respecte celle que le grand Vishnu a désignée pour mourir. »« Pour mourir ?» dit Georges en s'élançant et en l'étreignant à la gorge. Les paysans qui passaient sur la route entendirent le râlement de Théo surpris. Ils accoururent et poussèrent un cri de fureur. En reconnaissant le grand brahmane sur lequel le jeune homme osait porter une main sacrilège, ils voulurent se précipiter mais s'arrêtèrent à la vue de l'uniforme anglais. Néanmoins, ils grondaient, menaçant, en interrogeant le brahmane du regard. Celui-ci leur fit signe de s'éloigner, et faisant lâcher prise à Georges sans aucun effort apparent, il le considéra d'un air haineux. « Chien, prends garde » dit-il, et reculant derrière la clôture qu'il ferma, il disparut dans l'obscurité, au fond de l'avenue de citronniers, de mangous et de litchi. Les paysans s'éloignèrent aussi en se retournant sur Georges, en le menaçant du geste et en parlant entre eux avec vivacité. Puis eux aussi disparurent dans l'ombre, derrière les mangotiers qui bordaient la route. Le lieutenant ne s'émouvait point de toutes ces menaces. La bravoure chez lui allait jusqu'à l'imprudence, que l'exaltation de son esprit et aussi sa grande jeunesse lui faisait seule pardonner. Reculer en ce moment lui paraissait une lâcheté, précisément parce qu'il voyait devant lui obstacle sur obstacle. Et puis il devinait que derrière tout ce qu'il avait vu, entendu, se cachait un mystère. Joignait à l'attraction ordinaire de tout ce qui se cache la figure brune de Sarah, sa conduite peu en rapport avec le caractère qu'on lui prêtait, l'apparition de ce prêtre qui semblait être là pour exercer une mission fatalique, et vous comprendrez alors qu'il n'en fallait pas tant pour décider Georges à tenter l'aventure et à essayer de percer un des coins du voile qui cachait un drame au moins étrange. Il faisait une de ces belles nuits lumineuses si communes aux Indes, une de ces nuits enchanteresses où tout est parfum, murmure, volupté, où l'on respire un air léger, embaumé, qui rafraîchit les sens, chasse les pensées mauvaises et rend l'homme fier d'être ce qu'il est, le roi de tout ce qui l'entoure. Il était à peu près 10 heures et la lune n'était pas encore levée. Georges disparut des environs de l'habitation pour dépister la surveillance et les soupçons du vieux brahmane, mais avec la ferme intention de revenir 2 heures plus tard pour chercher à deviner l'énigme. Il alla jusqu'à Satara, poussa jusqu'à la maisonnette où il était descendu, et trouva ses bons amis Elor et le docteur John Cutley dans la plus grande inquiétude. Ils se disposaient à partir à sa recherche sur les vagues indications des 2 domestiques marathes, quand Georges revint juste à temps pour les en empêcher et les tranquilliser. Le docteur fut trop joyeux de retrouver sain et sauf son protégé pour avoir le courage de le gronder, mais il se promit que le lendemain matin, dès son réveil, il l'admonesterait vertement. Aussi grande fut sa surprise quand il entendit Georges lui déclarer qu'il venait les chercher tous deux pour l'aider à poursuivre le dénouement d'une aventure qu'il promit de leur expliquer en chemin. John mit près d'une demi-heure à revenir de sa surprise. Quand il recouvra ses sens, il était sur la route de Satara à Maoli, une carabine sur l'épaule et un bon couteau de chasse à la ceinture. Elor était près de lui, Georges devant, et il marchait, ma foi, fort allègrement, comme s'il eût été joyeux, en vérité, de tenter une périlleuse aventure. Georges avait le temps de lui expliquer ce qui lui était arrivé. Au courant du récit, le vieux John avait hoché plusieurs fois la tête d'un air de doute. Quand le lieutenant lui conta la manière d'agir et l'abandon enfantin de l'Indienne, il devint soucieux et mit à plusieurs reprises le doigt sur son front sans s'expliquer davantage. Évidemment, il devinait beaucoup de choses qui avaient échappé au jeune homme occupé seulement de Sarah. Pourtant, un point semblait surtout l'inquiéter. C'était la présence de ce prêtre dans la maison d'une femme qu'on nommait Sarah la Vierge. Le mystère pour lui était là. Voilà pourquoi il demeura taciturne depuis le faubourg de Vespoé jusqu'au moment où ils arrivèrent près de la maison de l'hindou. Là, ils tinrent conseil, cachés derrière le tronc d'un puits pâle. Le docteur, après avoir mûrement réfléchi, essayait de dissuader Georges et de l'engager à terminer là une aventure dont il prévoyait et craignait le dénouement. Mais il se tut bientôt devant l'inutilité de ses observations et devant l'obstination de Georges, que la beauté de l'Indienne avait véritablement ému. Il fut donc résolu que le lieutenant pénétrerait dans la clôture et qu'Elor l'accompagnerait pour lui prêter main forte en cas de besoin. Le docteur devait rester en dehors de la barrière de bambou, le couteau de chasse jouant bien dans la gaine, et se tenir prêt à courir au premier signal ou à les prévenir de suite dans le cas où une complication inattendue viendrait à entraver leur expédition. La chose ainsi arrangée, John se rendit à son poste pendant qu'Ellor et le lieutenant se hissaient sur la clôture et sautaient sur la grève du jardin. Il était alors 1 heure après minuit. La campagne environnante était éclairée par la lune qui montait lentement dans le ciel, mais les allées du jardin restaient plongées dans une obscurité vague grâce aux arbres et aux bouquets touffus d'arbrisseaux élevés qui interceptaient sa lumière. Ils se tinrent immobiles pendant quelques minutes, observant ce qui se passait autour d'eux. Tout dormait tranquille et rien ne leur parut suspect. Ils apercevaient à 30 ou 40 mètres devant eux la façade de la maison de Sarah. Ils avancèrent avec précaution, glissant le long des touffes d'orangers, se courbant parfois quand le vent agitait la cime des arbres, et faisaient courir un frisson dans la nature, écoutant le moindre bruit et s'arrêtant à chaque pas. Au bout de l'avenue, quand ils furent en face de la maison, ils se tapirent derrière un massif de rosiers, de cactus et d'autres fleurs, et là, ils observèrent. Les étroites fenêtres étaient faiblement éclairées. Des ombres passaient et repassaient derrière, lentement, et à intervalles égaux. À un certain moment, une de ces ombres s'agita rapidement, puis disparut. Tout cela avait un air sombre et mystérieux, qui serrait l'âme et faisait battre les tempes d'anxiété et d'incertitude. George laissa Ellor aux aguets dans le massif de rosiers et se dirigea d'arbre en arbre jusqu'à la porte de l'habitation. Il essaya de l'ébranler doucement, mais elle résista. Alors il se recula et alla retrouver son ami afin de se consulter avec lui sur le moyen qu'il devait employer pour pénétrer dans la maison. À cet instant, ils entendirent un grand bruit qui partait de l'habitation. On eût dit des trépignements, une course, une lutte furieuse. Ils se levèrent tous deux et s'élancèrent. George avait bondi le premier, en proie à une horrible crainte. Puis ils s'arrêtèrent tout à coup dans l'ombre et s'effacèrent derrière un mangou. La porte venait de s'ouvrir violemment. Sarah apparut sur le seuil, ses longs cheveux inondant ses épaules et son dos. Un rayon de lumière incertaine, venant de l'intérieur de la maison, l'éclaira faiblement. Elle avait la figure agitée, les yeux brillants, les vêtements en désordre. On eût juré qu'elle venait de soutenir une lutte. Elle se précipita dans le jardin, haletante et effarée. Sa démarche était roide et automatique. Il gesticulait follement, en jetant dans la nuit des phrases entrecoupées et des paroles incohérentes. Elle passa près des deux jeunes gens, qu'elle n'aperçut pas. Sa chevelure soulevée par le vent de sa course érafla la joue de George. Celui-ci chancela quand il sentit sur son visage la laine pressée de l'Indienne. Il voulut s'élancer, mais Ellor le retint d'un geste convulsif et lui montra en silence Keo sur le seuil de la maison. Keo descendit les deux marches en pierre, fit quelques pas dans l'allée et fouilla les taillis de son œil scrutateur et perçant. Les deux Anglais retinrent leur souffle et George sentit son cœur se serrer d'angoisse. La vie de Sarah dépendait peut-être de ce moment. Alors, il eut peur. Il se reprocha d'avoir poussé trop loin l'imprudence, et il se dit, pendant qu'il sentait peser sur lui comme un énorme poids le regard du vieux Brahman, que s'il avait agi plus lentement, et s'il eût mieux pris ses mesures, il l'eût peut-être réussi. Keo passa près d'eux, de l'autre côté du mangou, à portée du bras d'Ellor, qui fit un mouvement pour le saisir, mais se retint aussitôt. Il n'eut pas l'air de les soupçonner là. Il se lança du côté où avait disparu l'Indienne et se perdit dans l'obscurité. Il eut un moment d'anxiété terrible. Le silence était toujours aussi grand. Dans le lointain, on entendait seulement un vague murmure, une dernière traînée de notes confuses qui arrivaient jusque-là, mais ne réussissait point à troubler le silence. C'était Satara qui s'endormait. « Adieu va !» dit Georges en se levant et en s'assurant que son pistolet était bien à sa ceinture. « Veille, Ellor !»« Je veillerai !» répondit simplement le jeune homme. Et Georges, en se courbant, se dirigea vers la maison. Il se glissa par la porte entrouverte et disparut. Quelques minutes après, Ellor entendit un bruit de pas précipité et le halètement pénible d'une personne qui sent ses forces épuisées. Sarah fuyait devant le brahman. L'écharpe de son épaule était tombée, déchirée par les buissons de rosiers où la jeune fille s'était accrochée dans sa course, en sorte qu'elle était nue jusqu'à la ceinture. Ses cheveux étaient dispersés sur son front, sur son sein et ses épaules, et un râlement saccadé s'échappait convulsivement de ses lèvres entr'ouvertes, comme le hoquet d'un moribond. Elle s'accrocha des deux bras à une branche basse du mangou et s'y maintint désespérément pour ne pas tomber. De longues éraflures saignantes lui coupaient les mains et les épaules. Ses pieds déchaussés étaient sanglants. Par instants, son corps était violemment agité, comme sous l'impression d'un breuvage délétère, puis il reprenait son immobilité morte, et ainsi suspendu, la tête penchée, le haut du corps nu, les bras élevés au-dessus de sa tête en désordre et noués à une branche, Sarah la Vierge était effrayante à voir. On eût dit un cadavre que la mort venait de surprendre et qui se tenait encore debout par la seule contraction des nerfs. Kéo arriva, les yeux brillants d'une fureur sombre mais toujours calme. Il lui prit les deux bras qu'il détacha de l'arbre avec une secousse et l'attira à lui. Il rejeta en arrière les cheveux qui lui cachaient son visage. En même temps, il lui tendit l'écharpe qu'il avait ramassée en chemin et dont elle rajusta les lambeaux autour de sa taille. Alors elle leva les yeux sur Kéo, et chose étrange, elle lui sourit de son incompréhensible sourire, ses yeux bleus largement ouverts, la bouche entr'ouverte et les dents brillantes derrière les lèvres rouges. Il lui prit la main, lui rendit son sourire et l'entraîna vers la maison. Elle le suivit machinalement jusqu'au seuil. Là, elle eut un geste d'horreur et tenta de nouveau de s'enfuir. Mais il lui dit doucement quelques paroles en lui montrant le ciel à l'orient. Elle baissa la tête et entra. Ils traversèrent quelques chambres. Le bruit de leurs pas s'amortissait sur les magnifiques tapis de Perse dont tous les appartements étaient garnis. Ils montèrent à l'étage supérieur et entrèrent dans une chambre petite et carrée. Au fond, sur une pile de coussins et au-dessous de la lampe, il y avait une masse informe. Un grand cachemire la recouvrait. Kéo et la jeune fille se dirigèrent vers cette masse et la contemplèrent silencieusement. Près de là, sur une petite table en bois de banyan sculpté, il y avait quelques plantes aromatiques et des tasses en bois remplies d'une boisson qui exhalait une forte odeur de camphre. Le brahmane s'approcha de cette table et prit une des plantes qu'il écrasa dans le camphre liquéfié, puis il revint vers la jeune fille qui était morne et muette. À ce moment, la draperie qui séparait des autres appartements la chambre où il se trouvait s'agita comme sous l'action d'un courant d'air. Elle s'écarta un peu, et la tête de Georges apparut pâle et énergique. Le brahmane revint près de Sarah. Il se courba sur les coussins, souleva le cachemire qu'il rejeta, et découvrit le cadavre livide d'un hindou d'une quarantaine d'années mort depuis 3 ou 4 jours. Il était entièrement nu, sauf le pagne en coton qui lui serrait les flancs. On avait eu soin de lui croiser les mains sous la tête, et ses yeux étaient à demi ouverts de sorte qu'il semblait dormir. Sarah frémit quand elle vit ce visage et chercha à détourner son regard. Mais elle rencontra celui de Kéo, qui la considérait attentivement et elle sourit. Ce sourire était étrange. On eût dit qu'elle ne comprenait pas bien ce qu'elle faisait, où elle était. C'était comme un sourire de fou ou d'idiot à qui l'on parle, et qui vous répond avec une phrase éternelle, avec un rire navrant et bête et un geste insignifiant. Le grand brahmane lui dit quelques mots en lui présentant le bol de camphre. Elle eut un geste de dégoût et de frayeur, pendant que ses yeux brillaient cette fois d'un éclair de raison. Mais il lui montra le cadavre. La jeune fille se courba devant son regard méchant, prit en frémissant le bol et le porta à ses lèvres. Kéo marmottait des prières en regardant l'hindou mort. Sarah buvait lentement. Une ombre s'agita dans la chambre. Georges écartait la draperie en rampant sur ses genoux silencieusement et se dirigeant vers le brahmane. Tout à coup, le visage de celui-ci prit une teinte livide, ses nerfs se contractèrent, son corps trembla de fureur des pieds à la tête. Il tira doucement de sa ceinture un long couteau, et se retournant sur Georges, qui se levait au même instant, il bondit et l'étreignit. Le lieutenant chancela en recevant le choc, et il ne put empêcher Kéo de lui saisir la main de laquelle il tenait son pistolet. Georges lâcha son arme, qui pouvait lui devenir dangereuse, et tirant lui aussi son couteau, enlaça le brahmane. Sarah les regardait en leur souriant de ce sourire vague qui faisait mal à voir. Ils étaient vigoureux tous deux. Ils roulèrent, se relevèrent en cherchant à se frapper sans y réussir, se tordant comme deux serpents et s'étreignant à se briser les os. La lutte était muette, acharnée. Sur ces tapis épais, on n'entendait pas les deux hommes et leurs soupirs et leurs râlements de fatigue n'avaient point d'écho. Puis l'un d'eux resta immobile. Le couteau de Guillaume brilla au-dessus de l'anglais. Georges poussa un soupir. « Elor !» murmura-t-il, et ferma les yeux en faisant un dernier effort pour se débarrasser. Mais le couteau ne s'abaissa point. « Tout à l'heure, » dit Keo. Il appuya le genou sur la poitrine de Georges et siffla d'une manière très perçante avec une modulation particulière. Les deux indigènes de l'Orungabad accoururent au secours de leur maître et maintinrent le lieutenant qui se débattait. Pendant que Keo le bâillonnait, il lui liait solidement les pieds et les mains. Quand il fut incapable de remuer, il le prit dans ses bras et alla le porter près du cadavre de l'hindou. « Chien !» dit-il, « tu seras puni. Tu as voulu savoir ce que fait le grand Brahma dans les mystères de sa demeure. Tu le sauras. Et puisque tu as osé porter sur Sarah un désir sacrilège, tu seras puni dans ton imagination. Regarde et écoute. » Il dit quelques mots aux deux hindous qui sortirent en jetant sur l'anglais un regard cruel. Keo alla à la fenêtre et l'ouvrit. On distinguait au loin, dans le crépuscule, les maisons blanches de Maoli. « Dans une heure, le soleil va se lever. Dans une heure, Sarah sera brûlée là-bas, au village de Maoli, sur un bûcher de bois de papel avec le cadavre de son époux, qui est là, et ses cendres seront jetées et dispersées en 5 places différentes dans les flots de la Krishna. Comprends-tu, chien ?» Georges était effrayant à voir. Le visage contracté par une fureur impuissante, les yeux sanglants, le corps se roulant et se tordant, il contemplait tantôt Sarah, tantôt le Brahman, et il se débattait et râlait. « D'ici, tu la verras mourir, » dit Keo impassible. « Console-toi, tu la verras brûler, et tu apprendras comment supportent la douleur les filles de notre ciel, soutenues par Brahma et par la boisson que le Dieu donne aux femmes qui vont mourir. » Il remplit en ricanant la tasse en bois avec la liqueur de camphre, qui était destinée à stupéfier la jeune fille, à l'énerver et à la tenir dans un état d'exaltation voisin de la folie. Il tendit à Sarah la tasse pleine jusqu'au bord. L'Indienne la prit sans cesser de sourire et de regarder Georges. Elle la porta à ses lèvres et avala quelques gorgées. Mais c'était trop pour cette nature frêle. Elle pâlit affreusement et laissa choir la liqueur épaisse. Dont l'odeur énervante se répandit dans toute la chambre. Keo le regarda sans sourciller. « Vois-tu, » dit-il à Georges, « elle ne faiblira pas tout à l'heure sur le bûcher. Brahma est grand et bon. Grâce à cette boisson, elle est énervée, presque insensible. Tu voudrais l'emmener, qu'elle s'y refuserait. » Sarah se pencha sur les coussins où gisait son époux. Elle lui prit la tête, qu'elle plaça sur ses genoux, et eut l'air d'attendre quelque chose. « Regarde, chrétien, » fit le sombre prêtre, « elle se croit sur le bûcher. C'est ainsi que tu vas la voir, par cette fenêtre, prenant sur ses genoux le cadavre de son mari, au moment où les flammes l'environneront. » Et où elle se disposera elle-même à dormir du dernier sommeil. L'Indienne berçait niaisement dans ses bras la tête verdâtre du cadavre. Elle avait les yeux fixes, et elle semblait contempler au loin, derrière le voile de la mort, des choses visibles pour elle seule. Un rayon de jour frappa sur la fenêtre et fit pâlir la lumière de la lampe. C'était l'aurore. « C'est l'heure, » dit Keo, « où Sarah la Vierge doit mourir. La Vierge, ce nom elle le mérite. » Car elle a connu son mari 2 jours seulement. Il est mort le 3e. Mais grâce à la sainte coutume de Brahma, Sarah va lui être rendue. Quand le soleil se montrera à l'horizon, la Vierge ira retrouver son époux dans les grands jardins du ciel. Georges râlait, impuissant. « Quant à toi, » fit le fanatique, « tu resteras ici et tu la verras mourir. Il faut que tu la voies. Et quand elle ne sera plus que de vaines cendres, tu mourras à ton tour pour avoir violé nos secrets. » Je me moque de vos lois et de vos menaces. Je suis Keo, le grand Brahman. Le suti terminé, j'irai retrouver dans les profondes vallées des Ghôtes mes frères de la montagne. » L'anglais se tordit avec tant de violence que ses liens de cotonnade craquèrent. Mais il fut épuisé par cet effort gigantesque et il se laissa rouler à terre en envoyant à Sarah un regard d'éternel adieu, dans lequel il eut tant de tendresse, de désespoir, de douceur, que la jeune fille eut un vague souvenir de ce qui s'était passé. Mais ce fut comme un éclair. Dans sa pauvre tête, il n'y avait plus qu'un pêle-mêle inextricable de toutes ses pensées. Ou plutôt, elle était arrivée, grâce au breuvage du prêtre, à une espèce de somnambulisme et d'insensibilité qui ne lui permettait plus de recevoir une impression. Georges le comprit, car de grosses larmes coulèrent lentement de ses yeux sur sa joue, et la tombaient sur le tapis où il gisait. Le brahmane se mit à la fenêtre et eut l'air d'attendre. Il resta là quelques minutes, après quoi il vint dire quelques mots à Sarah. À ce moment même, on entendit du côté du jardin des piétinements, des hennissements de chevaux, le bruit d'un certain nombre de gens qui arrivent. Kéo sortit et resta un instant dehors, puis il revint avec deux hindous qui enlevèrent sur leurs épaules le cadavre du mari et descendirent. Sarah les suivit. Kéo siffla les deux hindous de l'Aurangabad et leur montra l'Européen en leur disant quelques mots. Ils jetèrent sur lui un coup d'œil féroce et le transportèrent près de la fenêtre en lui tournant le visage vers Maoli. Kéo lui montra un petit point du village où se mouvaient quelques hindous affairés. « C'est là, » dit-il. « On prépare le bûcher. Adieu. » Et en ricanant, il sortit. Les deux serviteurs s'accroupirent sur les coussins et l'un d'eux prit le pistolet de Georges pendant que l'autre dégainait son couteau et le plaçait à portée de sa main. La position de l'Anglais devenait critique. Il y avait, de l'autre côté de la clôture, un chariot où l'on avait placé le cadavre et où Sarah elle-même était montée. Une dizaine de brahmanes étaient rangés autour. Ils avaient leurs manteaux étroitement serrés par la dopata, la ceinture des grands jours. Ils étaient silencieux et sévères. Quelques femmes de Satara et des Indiens des environs attendaient sur la route à une respectable distance. Le chariot s'ébranla. Kéo marchait devant en silence. Les autres brahmanes le suivaient de quelques pas. Quand le cortège lugubre fut à une certaine distance de la maison, Kéo se retourna et jeta un rapide coup d'œil vers la fenêtre où il savait que devait être Georges. Il le vit et se mit à rire. Au loin, des rayons rouges dans le ciel annonçaient que le soleil allait se lever. Le cortège arriva à Maoli. Georges les regardait. Il avait perdu tout espoir. Il se demandait ce qu'étaient devenus ses deux compagnons, Elor et le docteur. C'est en vain que, dans des accès de rage, il essayait de briser les liens qui le rendaient impuissant. Ses efforts réussissaient à l'épuiser, et à chaque tentative, il entendait les ricanements ironiques de ses gardiens. Voir périr Sarah dans des souffrances atroces, et se laisser tuer ensuite comme un chien, sans pouvoir proférer un mot, cela était horrible. La procession des brahmanes, des parents ou alliés de la victime, s'était répandue autour du bûcher. Sarah en fit 7 fois le tour en chantant sur le rythme consacré l'hymne du dieu Rama. Kéo était monté sur le bûcher et attendait la victime. Au 7e tour, la Vierge vint se reposer sous un pépel. Elle reçut les adieux de ses parents, de ses amis, et les brahmanes l'exhortèrent tour à tour au courage au nom des 3 grandes divinités indiennes. Le narcotique puissant de Kéo continuait d'opérer sur ses nerfs. Elle demeurait dans un état de prostration complète. Il y avait près d'elle une troupe de cymbaliers et de flûtistes qui jouèrent un accord gai. C'était le signal. Sarah s'éloigna du pépel et s'approcha du bûcher. Des degrés avaient été ménagés. Elle rejoignit Kéo qui la bénit en lui montrant le ciel. Après quoi elle s'assit à la place qui lui était réservée, prit le cadavre sur ses genoux et attendit. À chaque coin du bûcher, il y avait une colonne de bois sec supportant une toiture, laquelle, atteinte par les flammes, à un certain moment, devait s'effondrer sur la victime. L'usage voulait qu'on mît le feu en même temps au bûcher et à la toiture, afin que les deux parties brûlassent ensemble. Avant ce moment solennel, quelques femmes chantèrent une hymne plaintive sur le tombeau de l'Indienne. Elles jetèrent en signe d'adieu à la Vierge quelques bouquets rouges de fleurs de palas et s'éloignèrent. Les cymbaliers et les flûtistes se turent, Kéo descendit. Le soleil commençait à poindre à l'horizon. Tous ces détails, Georges les distinguait vaguement à travers l'ombre décroissante du crépuscule. Ce qu'il ne pouvait comprendre, l'un des deux Indiens de l'Aurangabad qui parlait anglais, lui expliquait avec une complaisance ironique. « Vois-tu, Sahib ?» disait-il en s'appuyant d'une façon familière sur l'anglais. « Quand tu verras le toit s'effondrer sur la Vierge, c'est que la Vierge sera déjà atteinte par les flammes. Elle sera prête de mourir. Alors toi, tu mourras à ce moment. C'est Kéo qui le veut. Quand nous t'aurons tué, nous rejoindrons Kéo, le chef des brahmanes, et nous fuirons dans les Godes, en nous moquant des Européens et de ses frères de Satara. Ainsi, une violente détonation lui coupa la parole, et il tomba, la tête fracassée par une balle. Elor était sur le seuil de la chambre. « Ouf » dit-il en venant débarrasser Georges de ses liens. « J'arrive à temps pour toi. Arrivons-nous à temps pour l'autre, c'est ce que j'ignore. » Quand il fut libre, Georges chancela. Les liens lui avaient interrompu la circulation du sang. Il fut quelques instants sans pouvoir parler. Lorsqu'il le put, « Viens, Elor, dit-il, et vois d'ici la pauvre Sarah. Est-il encore temps, mon Dieu? Courons la sauver, je le veux à tout prix. Elle est à demi folle, la pauvre femme, grâce à cet infernal Kéo qui ne la quitte pas. Où est John? » John est en bas, avec une compagnie de fantassins indigènes que le gouverneur Thompson nous a prêtés pour nous opposer à cette infâme cérémonie. Le docteur avait tout deviné, et quand il vit Kéo, le chariot, Sarah et le cadavre, il courut de suite à Satara. Il en revient et l'attend sur la route. Quant à moi, je guettais le moment favorable pour rentrer ici et arriver à toi. Je craignais un plus grand malheur, ajouta-t-il tout ému. Ils se serrèrent la main avec effusion. « Courons, sauvons-la » dit Georges. Il enjamba le corps de l'Indien qui râlait, expirant, et se précipita dans le jardin. Il rencontra un deuxième corps, vivant cette fois mais bien garrotté. C'était l'autre hindou qu'Elor avait surpris. Une compagnie d'infanterie attendait sur la route. « En avant !» cria Georges en pressant les mains du docteur, et ils se précipitèrent. Au-dessus de la maison, la route était légèrement encaissée, de sorte qu'ils marchèrent pendant quelque temps sans apercevoir ni Maoli, ni la campagne, ni le bûcher. Mais bientôt, à un coude très brusque, ils purent distinguer nettement, dans presque tous les détails, les préparatifs de la cérémonie. Des lueurs rouges apparaissaient sur quelques points du bûcher. Un filet de fumée montait en colonne vers le ciel, se tordait avant de s'évanouir, et était immédiatement suivi par un autre filet blanchâtre qui s'élevait dans l'air et disparaissait. Kéo venait de mettre le feu aux quatre coins du bûcher. Les flammes montèrent peu à peu et s'élargirent. « En avant, en avant !» hurlèrent Georges et Laure et les soldats indignés en trépignant sur la route blanche. Leur course furieuse se rapprochait peu à peu du lieu du supplice. Il se fit un mouvement autour du bûcher. Quelqu'un venait de signaler les soldats et l'on se hâtait. La troupe approchait. À ce même moment, Sarah, atteinte par les flammes, poussa un grand cri d'angoisse et se précipita. La raison lui était revenue, elle avait peur. Elle tomba du bûcher, les cheveux et la robe enflammés, et voulut s'enfuir, mais les brahmanes s'élancèrent pour l'en empêcher et la refoulèrent dans le brasier. C'était épouvantable. Le feu parut se ralentir. Georges eut un moment d'espoir. Les soldats poussèrent trois grands cris pour effrayer les hindous. Ceux-ci se dispersèrent dans le village ou disparurent dans les bois de sapotiers et dans les gouttes qui longeaient le lieu du supplice. « Courage, mes amis !» dit Georges qui haletait péniblement. Déjà, quelques-uns restaient en arrière. D'autres étaient tombés sur la route, abattus par cette course effrénée. Une bouffée de vent ralluma le bûcher. Ils eurent un cri de désespoir et de vengeance. Cependant, il n'était pas impossible que Sarah vécût encore. Ils rassemblèrent ce qui leur restait de vigueur et reprirent leur course. Quatre brahmanes étaient seuls restés près du suti, une hache à la main. Kéo était du nombre. Quand la troupe de soldats ne fut plus qu'à quelques centaines de mètres, les prêtres s'approchèrent des quatre piliers qui supportaient la toiture. En même temps, ils ouvrirent les portes du bûcher et l'air s'engouffrant raviva les flammes. De longues langues de feu léchèrent la toiture résineuse qui pétilla et s'enflamma immédiatement. Les quatre brahmanes levèrent alors leur hache et frappèrent. La toiture s'ébranla, ils redoublèrent, sans s'effrayer de quelques balles qui passèrent au-dessus de leur tête. Sarah, noire et à demi brûlée, se traîna de nouveau, spectacle horrible, et voulut se jeter hors des flammes qui gagnaient de plus en plus. Kéo la prit dans ses bras et la rejeta brutalement. Puis il saisit sa hache, redressa sa haute taille et frappa les colonnes, qui cette fois se cassèrent pendant que la toiture s'effondrait et qu'une grande fumée montait dans le ciel. Sarah poussa un cri horrible. Il y eut sous les bois qui brûlaient quelques soubresauts suprêmes, puis tout redevint tranquille et la fournaise continua de brûler. Les soldats étaient à 100 mètres. Kéo et les brahmanes avaient fini leur œuvre. Ils jetèrent leur hache dans la flamme et prirent leur course vers les gouttes. Kéo était le dernier. Il voulait défier encore. Il leva ses deux bras au-dessus de sa tête, s'arrêta et fit aux Anglais un signe insultant, puis il reprit sa course. La forêt de Mangotier était à 10 pas. Les montagnes étaient derrière. Déjà deux prêtres avaient disparu. George était horriblement pâle. Il fit arrêter ses soldats et prit sa carabine. Keo fuyait en droite ligne. George épaula. Au moment d'arriver sur la lisière, Keo se retourna vers le bûcher et jeta dans la plaine un dernier coup d'œil. George était immobile comme une statue de marbre. Les soldats frémissaient. Le silence était solennel, profond. Il fit feu. On entendit le flaouri de la balle, puis on vit Keo chanceler et tomber roi de mort. George ne sut point s'il l'avait tué. Il était lui-même étendu sur la route, proférant des phrases sans suite, en proie à une violente attaque de folie. Elor et le docteur lui donnèrent les premiers soins. Ils le firent transporter à Satara, et de là à Bombay, sur le Lord Nelson. Le Lord Nelson partit 15 jours après pour l'Angleterre, où il arriva le 18 septembre dernier. George est venu passer 2 mois à Paris, en compagnie d'Elor. C'est ce dernier qui nous a conté cette histoire, dont tous les détails sont parfaitement authentiques. Il a rajouté en terminant que son ami allait probablement se marier à son retour en Angleterre, ce qui peut faire supposer que le souvenir de la pauvre Sarah s'est légèrement effacé dans sa mémoire grâce au calme énergique du docteur John Cutley. Ainsi s'achève La Vierge de Satara par Jules Marie.